Je n'ai pas l'âge de mes artères. Mon front sans ride est un abus. Quand je suis sorti de ma mère, j'avais déjà beaucoup vécu. Et pour mon âme aux tempes grises, Mathusalem est un gamin. Je vais prier dans des églises que j'ai connues, temple romain. J'ai 25 ans, ce sont des faux. J'ai 2000 ans. 2000 ans. 2000 ans. 2000 ans. J'ai prié toutes les idoles du roi des juifs aux veaux païens. J'ai prêché la bonne parole et je me suis lavé les mains. J'ai fait la guerre dans tous les camps. J'ai soutenu tous les drapeaux. J'ai bu la paix à tous les sangs. Je suis un lâche et un héros. Faut pas se fier aux apparences. J'ai l'air de sortir de l'enfance. Sur mes papiers, j'ai 25 ans. Ce sont les faux. J'ai 2000 ans. 2000 ans. 2000 ans. J'ai pleuré mes amours d'enfance, de Cléopâtre à Valeska. Perdu 100 fois mon innocence, mais je l'ai retrouvée 100 fois. J'ai souvent craché sur mon sort, prié pour que tout soit fini. Mais chaque fois que je suis mort, c'était en hurlant. Aux apparences, j'ai l'air de sortir de l'enfance. Sur mes papiers, j'ai 25 ans, mais ce sont des faux. J'ai 2000 ans, faut pas se fier.